J'éjacule entre mes seins, j'ai 27 ans, je suis brune et j'ai envie de toi. J'ai envie de ton sperme et de ta couleur, j'ai envie de ton odeur, j'ai envie de ta crasse dans tes cheveux. Je veux tout de toi, s'il te plaît, une seule fois, encule-moi. N'importe quoi. Hey, c'est la même fille qui t'a envoyé la photo, hein, quand même. Hein. Alors là, par contre, ça craint déjà très légèrement plus. Et là, par contre, il va y avoir, parce qu'on va parler du remix déjà, des poèmes de GG, ça pose déjà des problèmes. Sur une photo, il y a un magazine qui est sorti. Et là, ah non, mais je sais que c'est pas drôle, mais je vais le dire simplement. Louis Figio. Ça m'a étonné. C'est des photos de chez toi. Carrément un magazine. Hop là, on voit ta photo, on voit là l'entrée, on voit la boîte aux lettres où il y a marqué Figio. Et là, apparemment, alors là, je sais que c'est un truc top secret, c'est bien sa porte, c'est bien chez toi. Regarde le truc. Et là, je vais te dire, ça avait. Et là, ils avaient allé au tribunal. Voilà, donc c'est d'ailleurs un magazine où on voit l'entrée de l'immeuble de Gérard, la boîte aux lettres, ainsi que la porte d'entrée de Gérard toute rouge. Est-ce exact, Gérard? Est-ce que tu peux dire que c'est vrai ou pas? Parle devant ton micro, on n'entend rien. Lui, de toute manière, parle devant ton micro, on entend bien. Écoute, mets du son dans ton casque pour que tu t'aperçoives que t'es pas devant le micro. Voilà. Baisse un peu le micro, voilà. Ouais. Ça, de toute manière, petit Figio, c'est sûr que tu vas te retrouver au commissariat avec tes conneries. Ça va être bien, là, ton truc. Parce que si tu t'amuses à donner l'adresse comme ça aux gens, eh ben, moi, je te fous au commissariat. Et dès ce matin, tu es au commissariat. Et je garde ça, je l'emmène aux flics. Il est mal, le mec, le Figio, s'il nous écoute, là. Ah ben, tant pis pour sa gueule. Voilà, tant pis pour lui. Ah ben, il est sur Minitel, d'ailleurs, Figio, il dit, t'es pas chiche de m'emmener au commissariat, de toute façon, t'as pas de couilles. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Un petit con, hein, moi, je t'emmerde, parce que quand tu fais des conneries comme ça, moi, tu vas voir si je vais pas être capable d'aller au commissariat. Voilà. Y a-t-il encore du courrier pour Gérard? Ouais. Oui, Manu veut pas la lire, parce qu'en fait, c'est son cousin qui a écrit. Donc. Ouais. Alors, toi, ton cousin, oh, connard, là. Eh, hey, connard, au lieu de te planquer derrière un fil d'art. Manu! Ah, ouais, pardon! Tu ferais mieux de t'occuper un peu de ton bordel, là. Ah, mais parce que mon cousin, il se débrouille tout seul, hein. Ouais, ouais, mais il a pas besoin de me téléphoner, d'accord? Et t'as pas à vendre le numéro de portable. Ça, c'est un conseil que je te donne. Ok, d'accord. Bon, alors, je commence la lettre. Mais c'est pas lui qui donne le numéro. C'est qui, alors? Ben, je sais pas. Alors, cher ami Gérard. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, je t'ai écrit il y a 15 à 20 jours à la radio. Je suis le cousin de Manu Anthony de La Rochelle. Je crois que je t'avais dit mon jour d'arrivée à Paris, mais au cas où non, ou si tu ne te rappelles pas, c'est donc vendredi, soit 19 juin à la gare Montparnasse. Je ne suis pas sûr de l'heure d'arrivée. Ben bah, c'est bien, bah, il restera à Montparnasse. Il ira faire le tremblot sur les quais de la gare. Ainsi faudrait-il que tu te renseignes de l'heure d'arrivée du train qui part à 17h30 de La Rochelle pour venir nous chercher à la gare, ma copine et moi. Ah bah, ouais, bah, ça, tu vois, ça allait être comme ça. Elle est déjà partie à la poubelle et celle-là va suivre le même chemin que l'autre. Ok. C'est bien. Sinon, il te demande si t'as quand même commencé à prévoir de la place chez toi pour l'accueillir avec sa copine. Non, bah là, il va se faire sauter. Il reste où qu'il est sur le quai de la gare. Ah, il faudra aussi que tu prévois à manger le midi et soir pour les deux, 4 jours. Tiens. Donc faut que tu ailles faire les courses. Bon, allez, bien sûr, enculer. Comme ça va aller vite. Attends, je sais. Voilà, et donc il dit qu'il a pas la possibilité d'écouter Fun tous les soirs, donc si tu peux lui faire un petit coucou, là, ça lui fera plaisir. Bon, bah là, il va se faire foutre. Là, tu te mets un gros doigt dans le cul, mon pote. Et c'est ton cousin? Hein? Bah, je sais pas. Non, tu sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais pas. Une grande famille à moi tout seul. Ouais, ben je crois que ce soir tu vas faire partie de la famille de rentrer chez toi. ça tombe bien d'ailleurs. Gérard, il a dormi mais il est en forme. Il y a un petit PS quand même, Gérard, que nous note Anthony. Il dit, je n'ai jamais visité la Tour Eiffel aussi, pourrais-tu nous y emmener et faire visiter? Ouais, ben il ira visiter la plus grande capitale, la plus grosse pute de la capitale. Il paraît que l'on peut y dîner ou au dernier étage. Tu retiens une table pour 4 personnes pour le vendredi soir. Merci Anthony. C'est ça. Ben Alex met un gros doigt dans le cul. Moi, j'ai un autre petit truc, un tout dernier. Bon, il paraît qu'il y a une ouverture, le café GG. Ah bon? Sponsorisé par Ricard. Donc il y aura Jukebox Gérard, les débats, des vidéos. C'est Jukebox Gérard avec les débats. Les vidéos. Oh! Fil d'un film GG en pleine action pendant les débats, des conférences, chaperon rouge, comment désactiver les tatous. Qui s'amuse parce qu'ils connaissent pas le nouveau. Déjà pour commencer. Jim, comment harceler les gens sur les portables. Ouais, bah ça. La vie sexuelle avec GG, musique Phil Barnet. Permanence le jeudi soir avec Constance, société en merdon Gérard. C'est ça, va. Bah, Boisson, Ricard, vin, voilà. Oh non, mais continue. Continue, ça t'amuse. Ça t'amuse de dire ça à l'antenne, à Broutier. Au bar, Stéphane goûtera tous les alcools. Non, ça t'amuse? Ça t'amuse? Ça t'amuse de continuer au lieu d'aller faire ton boulot là-bas? Tu vois, tu ferais mieux d'aller faire ton boulot là. Quel boulot? Ouais, va au standard à Broussy. Là, tiens, ça t'apprendra, tu fais pas l'aria du poids. Ouais, tu as ouais, justement, de toute façon. Ouais, enfin, voilà. Salut. Eh ben, bonne nuit. Passez-vous. Attends. Apparemment. Parce qu'on a peut-être des remplaçants. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah, au revoir, Gaël. Et on va accueillir juste, si tu peux me donner, Maverick, 18 ans de Montpellier. Salut Maverick. Ouais, salut, ça va? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui, c'est vrai, les nouveaux. Alors c'est Goldorak et Tony qui vont faire le stream. Ah bah toi, Tony, t'as vu son lit? Ouais. Ouais, ouais. Je te signale, tu restes un peu plus poli avec elle le prochain coup. Lors des débats, tu restes poli avec elle. J'ai rien dit. Non, mais tu restes plus poli avec elle. De toute façon, ils vont être gentils parce qu'ils font partie de l'équipe. Non, non, mais moi... Bah, pareil, c'est, alors, il faut voir ça avec Fildar, et comme ils savent que tu veux plus bosser avec eux, bah, ils ont trouvé des remplaçants, donc ils vont s'installer à la place, vas-y. Maverick. Oui, c'est moi. Une petite devinette, oui, c'est moi, non, je l'ai pas changé. Tu vois. Maverick, on t'écoute. Ouais, salut Gérard, j'ai une petite devinette, surtout pour lui. Hein. Voilà, alors, tu veux bien l'entendre quand même. Vas-y, vas-y. Alors, voilà, c'est monsieur et madame Kilo qui ont une fille. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Je sais pas, Sandy Kilo. Bah, tu la connaissais? Bah non, mais je me suis douté, hein. 110 kilos. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Nul, à chier. Autre chose, Maverick? Non, c'était tout. Bah, bonne bourre, amuse-toi bien. Ouais, bah, il aussi. Tiens, Gaël, vite fait, Alex, 24 ans, qui appelle de Rossé. Salut, Alex. Ouais, je voudrais parler à Gérard. Bah, il est là, ça tombe bien. Baisse un petit peu, vas-y, très fort, vas-y, Alex. Ouais, bah, je fais partie de nos auditeurs qui demandaient, tu vois, qu'ils appellent plus souvent. D'accord, excuse-moi, bien compris comme ça, c'est bien. Compris. Ouais, c'est bien. Ouais, t'as dit dans Excel que si Max s'arrêtait, tu continuerais sur notre radio. Non, c'est faux. Alors là, mais pas... Si, non, mais, les yeux, c'est comme... Avec les débats et les coups de gueule de Françoise. Et attends, les yeux, c'est comme le cul, ça se lave. Parce que j'ai jamais été dire sur le magazine Excel que si Max s'arrêterait, que j'irais sur une autre radio. Alors mon pote, les yeux, c'est comme... noir sur blanc.